t'es plus ma priorité. Tant de je t'aime dans le ciel j'avais écrit, mais j'étais qu'une option dans sa putain de vie. J'ai cédé à tous ces caprices à me faire des ennemis. L'amour est vache quand il est incompris. Pour elle j'ai tourné mon dos à mes amis, et elle m'abandonne, tant pis pour moi si moi lovely. Elle a trouvé un autre cœur qui pour elle frissonne. Elle aime ce jeu, elle est douée comme personne. Ouais. J'ai tant d'amour à donner, et c'est pas grave si tu veux me laisser. Je ne sais plus comment faire, mon cœur est en danger. Je t'aime mais là, là t'as trop déconné. Je préfère être seul que mal accompagné. Je t'ai ouvert mon cœur et tu l'as volé. C'est pas grave si tu veux me laisser. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Que mal accompagné. Que mal accompagné. Je me sens trop sale, mon cœur est dans la merde. Je me sens trop mal, car j'ai perdu la guerre. Mon amour, tous ces trous étaient indomptables. Elle lisait trop en moi comme dans un journal. Mais son kiff, c'est de jeter l'amour dans les flammes. Elle s'en va dès que ton amour est trop palpable. L'amour prend avec, oui, je me soigne pour vous, mesdames. J'ai tant d'amour à donner. C'est pas grave si tu veux me laisser. Je ne sais plus comment faire, mon cœur est en danger. Je t'aime mais là, là t'as trop déconné. Je préfère être seul que mal accompagné. Je t'ai ouvert mon cœur et tu l'as volé. C'est pas grave si tu veux me laisser. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Que mal accompagné. Mal accompagné. Je me serais battu pour toi contre le monde. Donner ma vie au diable quelques secondes. Rester seul pour pas souffrir bêtement. Quand ton jardin secret se meurt lentement. Je me serais battu pour toi contre le monde. Donner ma vie au diable quelques secondes. Rester seul pour pas souffrir bêtement. Quand ton jardin secret se meurt lentement. J'ai tant d'amour à donner. Et c'est pas grave si tu veux me laisser. Je ne sais plus comment faire, mon cœur est en danger. Je t'aime mais là, là t'as trop déconné. Je préfère être seul que mal accompagné. Je t'ai ouvert mon cœur et tu l'as volé. C'est pas grave si tu veux me laisser. Vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai tant d'amour à donner. Et c'est pas grave si tu veux me laisser. Je ne sais plus comment faire, mon cœur est en danger. Je t'aime mais là, là t'as trop déconné. Je préfère être seul. Que mal accompagner.